Emma, ne tarde pas à s'ennuyer et tombe malade. Charles décide d'aller s'installer à Yonville-l'Abbaye, à la place d'un médecin qui vient de partir.